Donc, dans la catégorie « Je recycle mes vieux appareils électriques à la déchetterie », les gagnants sont Jean-Pascal de Fort-de-France dans l'écran de la mer, Vivien de Nantes dans 4 lave-linges et un enterrement, et Amina de Bastia dont la clim était presque parfaite. Alors Jean-Pascal, vos premières impressions? Ah, oh, c'est dingue, je m'y attendais pas. Oh, surtout que j'avais une vraie flemme ce jour-là. Mais bon, je suis quand même allé à la déchetterie, avec ma vieille télé dans le coffre. Eh oui, rapporter un appareil électrique usagé à la déchetterie, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que ses composants soient recyclés à plus de 80%. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il s'appelle Jean Guilaine, il est archéologue et son domaine de recherche concerne la protohistoire, une période de plusieurs millénaires qui a conduit nos lointains prédécesseurs de la sédentarisation aux premiers états de la planète. L'archéologie a été le fil conducteur de sa vie, surtout sa grande passion. Des années de recherche à étudier les cultures enfouies afin de proposer des scénarios du passé. Jean Guilaine publie ses mémoires chez Odile Jacob pour nous emmener dans une grande traversée des âges. Il est monté mon invité dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser et toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Une vieille polémique concernant notre cerveau aujourd'hui à la une de la science. Et oui, est-il capable ce cerveau de produire de nouveaux neurones tout au long de notre vie? La réponse semble être finalement oui et ça change beaucoup de choses en neurosciences. On verra ça avec vous dans un instant et puis à la fin de l'émission nous retrouverons la chronique science grand format de France 5 consacrée ce soir aux premières pyramides d'Égypte. Fanny Bouillon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Jean Guilaine. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir à l'occasion de ces mémoires, mémoires d'un proto-historien chez Odile Jacob, sous-titré La traversée des âges. La proto-histoire, ça concerne quelle période alors exactement pour qu'on sache alors, de quoi on va parler ensemble? Alors, il y a plusieurs sens, le terme a plusieurs sens. Oui. Au sens strict, pendant longtemps, la proto-histoire était considérée comme la période concernant les populations qui n'avaient pas d'écriture, mais sur lesquelles des populations qui, elles, avaient l'écriture, avaient écrit. Bon. Alors évidemment, c'était un œil externe, et peut-être un peu trafiqué parfois, n'est-ce pas? Bon. Puis, on a élargi le concept. On a dit, au fond, la proto-histoire, ce sont les âges des métaux, âge du bronze et âge du fer. Donc, on est passé d'une durée de, en gros, un demi-millénaire à deux millénaires. Oui. Et depuis quelque temps, nous pensons qu'en fait, la proto-histoire commence au néolithique. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où les gens se sont sédentarisés, ont créé des villages, ont été à la base de ce qu'on appelle l'histoire rurale. Et là, à ce moment-là, pour l'Occident, on en est à 5 à 6 millénaires. Oui, c'est ça, parce que évidemment, ça dépend des régions du monde. Hein. Ah, évidemment, on ça date dépend pas des régions du monde. L'histoire avec l'écriture commence beaucoup plus tôt au Proche-Orient, bien entendu, avec la Mésopotamie et l'Égypte. Ouais. L'histoire, ça commence d'ailleurs avec l'écriture ou pas? En gros, on estime que l'histoire commence avec l'écriture. C'est un bon marqueur. Mais moi, je pense que le néolithique, c'est déjà de l'histoire. Bien. Comment est-ce qu'en tant qu'archéologue, on se spécialise justement dans une période particulière alors? Et comment on fait toute sa vie ensuite sur, alors, sur moi, ces temps? Il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai grandi en partie à la campagne. Et avant la guerre, j'étais tout jeune, bien entendu, et pendant la dernière guerre mondiale. Donc, j'ai connu un milieu où tout était manuel. Autrement dit, les travaux de la vigne, les travaux des champs, tout était manuel, quasiment, quoi. Les premiers tracteurs sont arrivés vers 1950, à peu près. Voyez donc. Donc, cette vie j'ai baigné pendant mon enfance dans cette vie. Et j'ai voulu ensuite retrouver les origines de cette vie rurale. Bon. Et il est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu parce que on me dit, bon, travailler sur le néolithique, c'est classer des haches polies, faire de la typologie de poterie, etc. Ça, c'était barbant pour vous, hein. C'est pas que ça soit barbant parce qu'il faut en passer par là, oui. N'est-ce pas? Mais, ce que je voulais, c'est un peu retrouver la vie au champ, la constitution du décor, voir les activités du paysan néolithique. C'est ça qui m'intéressait. Et ça, ça n'est venu que progressivement, évidemment, avec le développement des sciences naturelles. En donc, c'est l'humain avec son environnement aussi, hein, qui vous a beaucoup intéressé dans ce travail d'archéologue. Tout à fait. Autrement dit, l'homme, à partir du néolithique, n'est plus dépendant des lois de la nature, lois climatiques, écologiques, etc. Mais il construit son décor, oui. Puisqu'il brûle les forêts pour créer des clairières, pour avoir des terrains de parcours pour ses troupeaux. Donc, à partir du néolithique, nous entrons dans l'anthropocène. Déjà. Hein. Déjà. On peut, parce que déjà. Personne n'est d'accord là-dessus, finalement, bien sûr, sur l'impact humain sur l'environnement, mais effectivement... Il commence avec le néolithique. On peut le faire commencer à ce moment-là. Alors évidemment, de manière plutôt faible au départ, mais les choses sont allées évidemment... Jusqu'à l'ère industrielle, après, évidemment. Jusqu'à ensuite l'ère industrielle, où tout a, avec la mécanisation, tout a été multiplié par X. Eh bien, nous allons retracer ce parcours de passionné, hein, surtout Jean-Guilaine, c'est ça, moi, finalement, que je retiens de ce récit. Votre amour pour l'archéologie, puisque évidemment, ce qu'elle nous dit de ces périodes quand même très longues de l'histoire. Et puis, les auditeurs vont nous rejoindre avec des questions pour vous sur franceinter.fr. À tout de suite. Avec une étude aujourd'hui à la une de la science, Axel, qui va définitivement changer notre vision du cerveau. Enfin, on espère. Hein. Oui, Mathieu, oui. Il semblerait qu'il soit bel et bien capable, ce cerveau, de renouveler ses neurones tout au long de notre vie. Et cette polémique sur le sujet est quasiment aussi vieille que les neurosciences. Hein. Mais cette semaine, dans la revue Nature Medicine, une équipe espagnole tente d'y mettre un point final. Les chercheurs ont trouvé des traces de neurogénèse. Hein. C'est la création de bébés neurones dans le cerveau de patients décédés et âgés de 40 à 90 ans. Alors, pour en parler et pour comprendre l'impact de cette étude, nous sommes au téléphone avec Pierre-Marie Liédot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur et spécialiste de cette neurogénèse. Alors, d'où vient pour commencer cette idée très répandue qu'à l'âge adulte, c'est terminé, notre cerveau ne pourrait plus faire de nouveaux neurones ? Oh bien, cette histoire, c'est une vieille controverse scientifique comme l'histoire des sciences sait nous en fournir et déjà au tournant du XXe siècle, sous la houlette du prix Nobel Ramón y Cajal en 1906, eh bien, ce monsieur était un véritable artiste et a réussi à faire des dessins sur l'organisation anatomique de notre cerveau, extrêmement impressionnant, toujours valable aujourd'hui. Et sa conclusion était de dire que puisque le cerveau est un organe extrêmement complexe, fait d'enchevêtrement, de câbles, eh bien, on ne peut pas retirer ces câbles sans entraîner un dysfonctionnement. C'est un petit peu comme si un ingénieur venait sur votre ordinateur pendant que vous rédigez un beau texte et que cet ingénieur vous change des processeurs. Vous voyez, vous auriez perdu pas mal de textes. Alors, l'ironie de l'actualité, c'est que c'est une équipe espagnole, là encore, qui tente de mettre un point final à cette polémique. Comment est-ce que vous avez réagi à la lecture de ces travaux ? C'est bon ? C'est convaincant ? J'ai dit chapeau. En fait, je trouve que c'est une belle leçon de persévérance. Ce sont des travaux qui ont démarré il y a 7 ans et il a fallu être tenace pour essayer de démontrer par tous les contrôles possibles qu'avec l'usage d'anticorps, on pouvait, donc ces espèces de protéines que notre système immunitaire normalement produit pour nous défendre des envahisseurs, autres pathogènes, eh bien, nous avions là la possibilité de marquer, de révéler des cellules qui produisaient une protéine qui participe au cytosquelette d'un nouveau neurone. En d'autres termes, c'est une méthode de datation et qui permet de montrer que dans le cerveau, comme vous l'avez dit, juste entre 40 et 90 ans, on trouve des traces de nouvelles cellules fraîchement produites. Mais Pierre-Marie Liédot, est-ce que c'est la première fois finalement qu'on le prouve chez l'homme, chez l'humain ? Parce qu'on vous l'aviez vu, vous, sur la souris, ça, qu'il y avait une production de neurones adultes. Les freins ont été très forts. Hein. On est au tournant du XXe siècle, on dit c'est pas possible. On arrive dans les années 60, les spécialistes du développement du cerveau de l'enfant nous disent attendez, c'est impossible de produire des nouveaux neurones parce que quand vous voyez le temps qu'il faut pour qu'un enfant apprenne la marche, apprenne à parler, apprenne à utiliser les outils, c'était la fameuse période critique. Donc il y avait un début, il y avait une fin, et après cette fin, le réseau impliqué par cette nouvelle fonction acquise, eh bien, se cristallisait en quelque sorte. Et puis, plus récemment, dans les années 80-90, on a eu tous les experts sur l'évolution qui nous ont expliqué comment le cerveau humain a pu émerger avec sa complexité du cortex, du fait d'avoir épuisé tout son stock de cellules souches pour produire un grand nombre de neurones et avoir ces 86 milliards de neurones qui caractérisent l'humain. Donc les preuves plutôt négatives ont été accumulées, mais depuis 1998, une équipe à San Diego avait eu la possibilité de disséquer des cerveaux provenant de personnes traitées pour des cancers. Et ces personnes-là avaient reçu un agent qui pénètre dans les cellules qui se divisent. C'est utile pour suivre les métastases, c'est aussi utile pour dater les neurones, puisque vous savez à quel moment vous avez injecté ça dans le sang d'une personne. Et ça a été la première preuve apportée donc en 98 par cette technique-là. Ensuite, dans les années 2000, les chercheurs ont toujours eu recours à de plus en plus d'ingéniosité. Ils ont utilisé le carbone 14. Voilà, ce fameux carbone 14 qu'on a dans l'atmosphère et qui va s'introduire dans les cellules quand on va produire de l'ADN et qui peut être un marqueur du temps aussi. Donc, nouvelle preuve apportée. Et puis 2018, coup d'orage dans le ciel des neurosciences. 2018, l'équipe de San Francisco, qui travaille aussi avec des Espagnols, c'est quand même très intéressant de voir que cette controverse, elle s'est quand même trouvée animée au cœur de l'école de Cajal, avec les pros et les contres, et celle de cette publication de 2018 conclut que après les premières années de la naissance, plus rien ne peut être produit en tant que neurone dans un cerveau. Et là, c'était assez sérieux pour que suscité d'autres intérêts par d'autres équipes. Et vous étiez d'ailleurs à ce micro pour commenter cette étude, c'était il y a un an. Alors il y a quand même un point très intéressant dans l'étude qui est parue là cette semaine, Pierre-Marie Liédot, c'est que les chercheurs font un lien aussi avec les maladies neurodégénératives et avec Alzheimer. Il faut qu'on en parle. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, si vous voulez, ces chercheurs, cette nouvelle étude nous permet de conclure que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Pourquoi en 2018 n'a-t-on pas été capable de révéler la présence de nouveaux neurones ? Eh bien, cette nouvelle étude nous explique et nous montre que un cerveau enflammé, un cerveau développant une maladie neurodégénérative, est un cerveau qui va verrouiller cette fontaine de jouvence et qui va empêcher ces nouvelles cellules de germer. Et donc, on a ici une très belle étude avec une magnifique corrélation sur des marqueurs de l'état d'avancement de maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, et qui montre que plus ces marqueurs sont forts, c'est-à-dire que le sujet est avancé dans sa pathologie, et moins on compte de nouveaux neurones. Donc ceci explique voilà pourquoi peut-être dans les autres études, puisque les cerveaux étaient prélevés dans des cliniques ou dans des hôpitaux où on traite des patients atteints de maladies neurologiques en général, on pouvait peut-être pas les voir. Très rapidement pour terminer, quelle promesse ça nous donne entrevoir cette étude pour l'avenir et l'avenir des traitements pour ces maladies Très rapidement, je crois que on a un nouvel espoir aujourd'hui sur se dire qu'il y a un potentiel et des recherches devraient se concentrer sur les verrous qui bloquent ce potentiel. Voilà. Eh ben, écoutez, on va en reparler. Hein. Ça fera l'objet d'une tête au carré prochainement, Pierre-Marie Liédot, parce que ce sujet évidemment nous passionne. Merci beaucoup pour votre éclairage et puis Axel, à demain. À demain. Allez, dans le reste de l'actualité des sciences, toujours autour du cerveau d'ailleurs, mais celui des dauphins, cette fois-ci, des biologistes américains pensent que les efflorescences d'algues toxiques provoquent une forme d'Alzheimer chez ces animaux marins. En analysant les corps de plusieurs dauphins échoués en Floride l'an dernier, ils ont découvert dans leur cerveau les mêmes plaques bêta-amyloïdes que celles qu'on trouve justement en grand nombre chez les malades d'Alzheimer humains. Les liens entre leur échouage et l'état de leur cerveau n'est pas clairement démontré, mais les scientifiques le suspectent fortement. La découverte d'une étoile super rapide, ce boulet de canon qui parcourt la constellation de Cassiopée à plus de 2 millions de kilomètres par heure est en réalité un pulsar éjecté lors de l'explosion d'une étoile en supernova. L'objet a été repéré par le télescope Fermi grâce à sa queue de 13 années-lumière qui pointe vers les débris de cette explosion passée. Cette étoile super rapide et aussi super dense pourrait parcourir la distance Terre-Lune en moins de 6 minutes. Et puis pour terminer, le passé colonial rattrape petit à petit les grands muséums d'histoire naturelle européens. Le gouvernement de Tanzanie réclame aujourd'hui au Muséum National de Berlin la restitution d'un des plus beaux spécimens de dinosaures herbivores jamais découverts, le girafa titan branquin de 26 mètres de haut. Nombreuses sont d'ailleurs les pièces de grandes collections archéologiques de Londres, Berlin ou même Paris, acquises dans des conditions d'éthique plus ou moins douteuses datant de l'époque coloniale. Et les demandes de rapatriement formulées ou envisagées se multiplient. Un commentaire, Jean-Guilaine, là-dessus ? Oui, mais je peux donner un autre exemple, c'est Troyes. La ville de Troyes, en Asie mineure, bon, la fameuse guerre de Troyes, mythique bien entendu, qui a été fouillée par Schliemann, par un Allemand, n'est-ce pas ? Qui les a offerts au peuple allemand. Puis ensuite, la Russie, à la fin de la dernière guerre mondiale, a pris ses trésors et les garde. L'Allemagne les revendique. La Turquie, Troyes étant Turquie, les revendique. Et la Grèce, c'est l'histoire grecque, Troyes, les revendique également. Ouais. Pour l'instant, elle reste toujours en Russie. Mais les choses bougent quand même beaucoup en ce moment. Allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Guilaine, pour parler de vos mémoires. Ngeli kere wongi Urbem balele limunu wongi Sogolwe mabine ngeli kere wongi Loyem bine ngeli kere wongi Ngeni yesri yibe yo Basori nigil nibe yo Loyes biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Siho Inyonyo ninyo Iloye siho Iho ni mao Ilong yes minengeli kere wongi Papire din chomo kikipitong bimo Inge mwemo kibiperne ni munu wongi Inyo baby well ni bisgi wongi Wongi, the best man I kirne ni kere wongi. Ilong yesi ho, inyonyo ninyo. Ilong yesi ho, iho ni mao. Ambombo kala ni me. Ilong yesi ho. Voilà, c'était Blik Bassi avec Wonny et Thierry Dupin-Signe, la programmation musicale de cette Tête au Carré. La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Jean-Guilaine, ravi de vous retrouver dans cette Tête au Carré, alors que vous publiez vos mémoires, celles d'un proto-historien chez Odile Jacob. Vous êtes donc archéologue spécialiste du néolithique et de l'âge de bronze, professeur émérite au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS et membre de l'Institut. Et donc les auditeurs nous rejoignent avec toutes les questions, archéologie, proto-histoire, néolithique, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Qu'est-ce qui a nourri votre passion au tout départ, Jean-Guilaine ? Comment le jeune Jean est devenu ce grand archéologue. Votre père a joué un rôle quand même dans mon tout ça. Père a joué, mon père, qui n'avait pas fait d'études, hein, mais qui était passionné d'histoire. Ouais. Et qui le soir, à la veillée, n'est-ce pas, me lisait des événements, des faits historiques, avec un commentaire souvent. Bon, alors ça, c'est le point de départ. Et puis, comme toujours, il y a des rencontres. Et là, il y a un professeur de l'enseignement secondaire, qui était mon professeur d'histoire au lycée de Carcassonne, Louis Signol, qui a beaucoup compté parce que il m'a vraiment donné le goût de l'histoire. C'était l'histoire moderne et contemporaine. C'était la Révolution, l'Empire, etc. Et il a vu que j'étais passionné d'histoire. Il m'a dit, après le bachot, tu fais de l'histoire. Mais en même temps, à ce moment-là, l'archéologie est venue se greffer sur l'histoire. Mais j'ai toujours considéré l'archéologie comme une science historique. Mmh. Et donc, en dernier ressort, l'archéologue met au jour des objets, des vestiges, etc. Mais il doit interpréter. Et j'ai toujours une propension, évidemment, à donner une signification historique, n'est-ce pas, à construire un scénario historique derrière les découvertes. Ouais. Mais donc, ça, c'est le métier que vous décrivez, finalement. Ça, c'est le métier, hein, oui. Tel qu'il doit être exercé, voilà. Finalement. Donc, au départ, si vous voulez, bon, il y a le goût pour l'histoire, etc. Et puis, à l'université, alors, j'ai eu un professeur, Louis-René Nougier, qui n'était pas un homme de terrain, hein, qui était plutôt un vulgarisateur, et qui a fortifié cette passion. Mais le problème, c'est que très vite, j'ai eu le goût du terrain. C'est-à-dire que assez jeune, j'ai passé... À vélo, vous avez commencé à vélo quoi. Hein. J'allais voir un oppidum qui n'était pas très loin de Carcassonne. Je ramassais des culs d'amphore, des bouts de bronze, etc. Et puis j'ai découvert des stations... On disait station à l'époque, ouais, c'est-à-dire des habitats de plein air, ouais. Des sites néolithiques. Je ramassais des silex, je les amenais à la maison, je les classais, je les enfermais dans des boîtes à chaussures. Ah oui, vous aviez déjà la méthode, quoi. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Il faut dire que vous étiez dans une région quand même très propice, parce que c'est aussi un lieu de préhistoire, avec des sites, des grottes. Oui. Alors, tout à fait. Et puis, il faut savoir que la période qui m'intéressait, donc, c'est-à-dire les origines de la ruralité, le début du monde des premiers paysans, j'étais dans une région, en gros, entre le golfe du Lion et le Toulousain, qui était en friche, complètement. Alors, avec évidemment des sites de plein air tout au long du couloir Haut-de-Garonne, et avec, du côté des Corbières comme de la Montagne Noire, c'est-à-dire enclavant cette plaine qui est au milieu, des tas de grottes, d'abris, etc. Donc, mon premier terrain, ben, c'était ma campagne. C'est ça, exactement. Façon. Et c'est ce qui a donné vraiment naissance à cette vocation, voilà. Telle que vous la décrivez. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, ont joué un rôle important dans ce parcours. Louis-René Nougier, vous en parliez, oui. Et on va entendre sa voix tout de suite. Eh bien, ma foi, un préhistorien, vous voyez, et c'est un monsieur comme tout le monde. C'est un monsieur qui s'est penché toute son existence sur ce qui est antérieur à l'histoire, antérieur à l'écriture. Mes amis historiens ont devant eux des textes. Ils doivent interpréter ces textes. Ils ont là une double source d'erreur. Moi, je n'ai que des documents, je n'ai pas une interprétation. Je sais que mes documents, mes silex taillés ou mes bouts d'os à pointer ont été faits pour travailler, ont été faits pour l'utilité, pour l'humanité, et non pas pour quelques exégèses futures. Et j'ai voulu, derrière ces silex, j'ai voulu voir ce qui était vraiment derrière, j'ai voulu retrouver l'homme. Et c'est à cet homme que j'ai voulu consacrer mon existence. On m'a demandé quelquefois quelle était ma spécialité. Eh bien, j'avoue que je me spécialise dans la non-spécialisation. Et je ne me dis pas préhistorien, je ne m'annonce pas comme archéologue. Je cherche, et peut-être, et c'est un peu prétentieux, je cherche à être essentiellement, profondément, sincèrement humaniste. Voilà, Fanny Boyon qui nous a retrouvé cette archive de Louis-René Nougier dans l'émission d'Alain Weinstein sur France Culture en 1986, du jour au lendemain. Ça, c'est des propos que vous pouvez tenir, hein, Jean Guilaine. Bien entendu. Ça vous ressemble aussi beaucoup. Oui, hein. Et puis j'ai quelques plaisirs, quelques émotions à écouter la voix de Louis-René Nougier. À quoi vous pensez quand vous l'entendez? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ben, ça me rappelle les cours rue du Thor à Toulouse qu'il dispensait. C'était un vulgarisateur, Nougier. Autrement dit, il avait un cours libre, notamment, qui attirait beaucoup de monde. Il savait faire aimer la préhistoire. Mais ça n'était pas un homme de terrain. Alors, il y a une seconde personne qui a joué un rôle important dans ma carrière au départ. C'est Max Escalon de Fonton, qui, lui, était un directeur de recherche au CNRS. On entendra sa voix tout à l'heure également. Voilà. Et qui était, lui, vraiment un homme de terrain. Alors, c'était amusant parce que Max Escalon s'était surtout spécialisé dans le paléolithique supérieur. Alors, vous savez que les principales civilisations du paléolithique supérieur ont été dénommées à partir des sites aquitains ou pyrénéens, l'Aurignacien, le magdalénien, le gravettien, etc. Et vous les aimiez ces mots, hein? Oui, je les aimais, je ne les comprenais pas au début. Bon. Ouais. Et alors, lui, qui travaillait sur le versant méditerranéen, renier complètement cette terminologie et s'est fabriqué toute une terminologie à partir de ses propres gisements et a créé toute une série de termes éponymes, disons-nous, pour signaler ces civilisations. Et il a créé le pendant des civilisations classiques sur la frange méditerranéenne. Ouais. Vous voyez, il y avait du patriotisme provençal là-dedans. Ouais. Alors justement, Jean-Guilaine, on voit à quel point évidemment votre région natale a joué beaucoup aussi dans votre parcours, hein, sur votre intérêt qui a rejoint finalement cette science. Et puis vous le disiez tout à l'heure, finalement le néolithique s'est en friche aussi dans cette région-là de France. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire aussi au moment où vous commencez, et c'est formidable finalement, parce que c'est pas une époque qui est tellement étudiée à vos débuts. Oui, parce que vous savez, le néolithique a été rejeté de tous les côtés. Je m'explique. Lorsque la préhistoire est née, le thème essentiel c'était les origines de l'homme, bien entendu. Faire la démonstration d'un homme fossile. Là-dessus est venu se greffer autour de 1900, un peu avant, un peu après, la reconnaissance de l'art quaternaire, qui a été, pour les paléolithiciens aussi, évidemment... Qu'est-ce que c'est exactement, l'art quaternaire? L'art des cavernes, n'est-ce pas? L'art du paléolithique supérieur, qui a été un moment fort, qui a catalysé, en quelque sorte, les bonnes volontés. Et le néolithique a toujours été un peu considéré un peu comme la fin de la préhistoire, une sorte d'épiphénomène, mais en même temps, rejeté par les paléolithiciens, mais rejeté aussi par les historiens, parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Mais incroyable, quand même. Voilà, voilà. Quand on voit le rôle que ça a eu dans nos civilisations, c'est inouï, quand même. Hein. Exactement. Or, le néolithique, ça n'est pas la fin de la préhistoire, ça n'est pas une fin, c'est un commencement, le néolithique. Et quel commencement du monde rural, du monde sur lequel moderne, nous vivons encore. Oui, c'est ça. C'est... Voilà, absolument, absolument. Et voilà, il a eu une histoire, c'est un blessé de l'histoire, un peu, le néolithique. Mais ça, c'était génial pour vous, quand même, finalement. Oui, parce oui. Parce que vous aviez tout à faire. On avait tout à faire. Je n'étais pas seul, eh bien, j'étais entouré évidemment par des chercheurs, mais moi-même j'avais d'autres collègues qui sur d'autres régions travaillaient sur le même sujet. Ça a été une histoire de génération, le néolithique. Absolument, et c'est la vôtre justement. Alors, quelles sont les premières découvertes que vous avez faites, Jean-Guilaine? Parce que très jeune, vous commencez, vous le disiez, à classer les objets, les pierres que vous trouvez, alors, et vous faites des découvertes. Oui, et alors très tôt, à la fois, j'ai beaucoup aimé le terrain, je l'ai pratiqué très jeune, mais ensuite, le goût de la synthèse, des idées générales, ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Alors, je vais également vous amuser, c'est que il avait été publié, en 1951, un ouvrage de Gérard Bayou, l'un des maîtres du néolithique, sur les civilisations néolithiques de la France. Et j'ai trouvé que, pour ce qui concernait ma région, il y avait peut-être à redire. Et donc, j'ai fait un petit article mettant en cause à la théorie qu'il est... Oh, j'avais 20 ans, quoi. Ouais. Mettant en cause les propos du maître. Oui, c'est-à-dire disant, bon, mais là, je pense que ce concept, cette civilisation, ça n'existe pas en réalité. Il y a des choses différentes qui ont été regroupées arbitrairement dans un même ensemble. Et alors, j'ai envoyé cette note à la Société préhistorique française, et Gérard Bayou m'a écrit tout de suite en me disant, c'est très intéressant ce que vous dites, je ne le crois pas, j'avais raison en fait, je ne le crois pas, mais ça le tracassait un petit peu. Voilà. Et alors, évidemment, je ne suis pas resté confiné à mon Languedoc natal. J'ai fait ma thèse sur l'âge du bronze en Languedoc, mais ensuite, j'ai voulu un peu aller voir ce qui se passait à l'extérieur. Et la Méditerranée n'est pas loin. Voilà, j'ai passé les Pyrénées, je suis allé fouiller en Andorre, je suis allé fouiller en Catalogne, puis en Italie, au Proche-Orient, à Chypre. Puis j'ai monté un programme en Grèce. Donc, en fait, j'ai fait le chemin inverse des néolithiques, vous voyez. Les néolithiques sont allés d'est en ouest, moi je suis allé d'ouest en est. Normal, vous êtes allé sur leurs traces. Allez, on se retrouve dans un instant. Jean-Guilaine, vous êtes l'invité aujourd'hui de La Tête au Carré. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé, les langues, le chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, ça était. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Si seulement il vous en disait. Kat Onoma, c'était La Chambre sur France Inter. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, Jean Guilaine, mémoire d'un proto-historien, La traversée des âges chez Odile Jacob vient juste de paraître. C'est important pour vous de mettre ce terme de proto-historien sur la couverture de votre livre. Oui, vous l'avez défendu bec et ongle. Je le défends bec et ongle et parce que administrativement, c'est pas encore tout à fait reconnu. Autrement dit, pour certains, la préhistoire se termine à la fin de l'âge du bronze, vers 800-700 avant notre ère. Pourquoi 800-700? Passage à l'âge du fer, c'est très ambigu tout ça, vous savez, ouais. Tout est en continu en fait. Ouais, ouais. Donc voilà, vous l'avez ce terme, il est là pour vous accompagner. Alors justement, dans votre façon, on le voit dès vos débuts finalement, jeune garçon, de classer les objets que vous trouvez, est-ce que vous avez, votre mémoire était aussi bien classée de sorte que vous avez pu écrire cet ouvrage facilement? Est-ce que vous aviez beaucoup pris de notes pendant votre carrière? Du tout. Ça c'est de la mémoire. C'est la mémoire. Alors, parce qu'il y a le terrain, il y a les... Mais comment vous avez retracé tout ça, alors? Ben, écoutez, en faisant appel à mes souvenirs, finalement. Ouais. Est-ce que certains objets vous ont servi, justement? Non. Pas particulièrement. Ouais. Et vous aviez des carnets ou pas? Du tout. Sauf que j'ai dirigé un gros laboratoire d'archéologie, d'anthropologie et d'ethnologie pendant un moment. Donc, il fallait remettre des rapports. Ouais. Avec les fouilles, on remet des rapports. Donc, j'ai ces rapports, bien entendu. Ouais. Donc, tout ça a jalonné ma vie et donc, je l'ai en tête, ouais. Bien entendu. Parce que, Jean-Guilaine, ce que vous expliquez aussi très très bien dans cet ouvrage, c'est que ce métier d'archéologue, il a finalement deux facettes. D'abord, celle du terrain, évidemment. Oui. Et puis après, celle où le scientifique rentre dans son laboratoire et où doit finalement mettre en perspective tous ces objets trouvés sur le terrain. Absolument, c'est-à-dire que non seulement vous regroupez tous ces objets, mais vous vous adressez à toute une série de spécialistes, à toute une batterie de spécialistes. Il faut confronter. Et alors, souvent, c'est vraiment de la confrontation. Autrement dit, les résultats ne vont pas tous dans le même sens. Il y a des contradictions. Ouais. Il faut gérer ces contradictions. Et il faut argumenter. Pour défendre ces trouvailles. Et tout ça pour aboutir à ce qu'on appelle une monographie, c'est-à-dire l'ouvrage qui rend compte du travail de terrain de X campagne. Ouais, donc ça. C'est un gros travail, ça, la monographie. Ouais, beaucoup de collègues s'en exonèrent quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que c'est barbant. C'est-à-dire que, vous savez, le terrain, c'est une drogue, c'est une fuite en avant, le terrain. Et donc, il y a un appel du terrain pour l'archéologue. Et puis, l'archéologue s'imagine qu'avec une nouvelle campagne, il va expliquer ou il va trouver le petit chaînon qui lui manque pour exprimer telle thèse. C'est compliqué. En fait, c'est une fuite en avant. Et alors, s'arrêter pour se retrouver ensuite un bel été, non pas en plein air, mais devant la feuille blanche, c'était insupportable pour beaucoup d'archéologues. Et ça l'était pour vous ou pas? Vous avez aimé les deux, finalement? Moi, j'ai aimé les deux. Ouais. C'était un peu une contrainte, mais c'était une contrainte admise. Ouais. Donc il faut savoir que le métier d'archéologue, c'est ça aussi. Hein. Ah ben oui, ben oui. C'est pas qu'aller barouder. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que il y a toujours deux aspects. C'est-à-dire toutes les données, qu'il s'agisse de vestiges matériels, qu'il s'agisse de prélèvements à droite à gauche, campent en quelque sorte une sorte de scénario, si vous voulez. Oui. Mais ce scénario reste toujours une hypothèse. Autrement dit, en archéologie, il faut toujours faire la différence entre la description du fait brut, n'est-ce pas, et l'interprétation qui reste une hypothèse. Restons modestes, hein, ouais. Sinon on va dévoyer la discipline. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de vérité absolue ? Il n'y a jamais de vérité absolue. Plus on a de preuves, plus le scénario que l'on ouais. alimente a des chances d'être fiable, bien entendu. Ouais. Romain nous dit la culture des dolmens, corse, breton et irlandais, est-ce qu'il s'agit de la même ? Est-ce que ça correspond à votre période de la proto-histoire d'abord ? Oui, bien entendu. Bien entendu. Vous avez un vieux mégalithisme matérialisé soit par des pierres levées, soit par des tombeaux, les dolmens, qui apparaît sur toute la façade atlantique dans le courant du 5e millénaire avant notre ère. Un peu plus tardif, peut-être, en Irlande. Mais ensuite, vous avez un mégalithisme qui, lui, est globalement plus récent sur le versant méditerranéen. De sorte que vous avez des civilisations qui passent par un stade mégalithique à certains moments de leur trajectoire, et d'autres non. Donc les dolmens de Corse, globalement, sont un peu plus récents que les dolmens de la façade atlantique. Bien que récemment, on ait pour un site corse, le Monte Revinc, obtenu des datations un peu plus anciennes. Donc, en même temps, les choses changent, évoluent. Vous faites un scénario global fondé sur le radiocarbone, mais vous voyez que quelques temps après, vous avez de nouvelles découvertes qui remettent en question ce scénario. Mais ça, c'est la science qui avance. Ouais. Bon, alors donc des dolmens, des menhirs, il y en avait partout en réalité, seulement en Bretagne. Partout, c'est beaucoup dire. En réalité, vous avez beaucoup de mégalithisme sur l'extrême occident, disons, et beaucoup de mégalithisme également sur l'extrême orient, c'est-à-dire la Corée, le Japon, l'Inde, l'Indonésie, etc. Mais ils sont complètement déconnectés spatialement, mais aussi chronologiquement. Vous avez un mégalithisme relativement récent, évidemment, en Asie du Sud-Est. Ouais. Ouais. On va écouter donc la voix de Max Escalon de Fonton, archéologue et homme de terrain, justement, et on l'écoute. Depuis l'apparition de l'homme comme nous, c'est-à-dire depuis le 38e millénaire, jusque vers le 6e millénaire, ont vécu nos ancêtres directs qui ne vivaient que de la chasse, de la pêche et du ramassage des fruits sauvages. Cette longue période est exempte de toute trace de guerre, de toute trace de combat. La guerre n'existait pas. Vers le 6e millénaire, on commence à trouver des traces d'une agriculture primitive et aussi de l'élevage du mouton, par exemple, élevage précoce chez nous. À partir du 3e millénaire apparaît la guerre, qui correspond à un surpeuplement par rapport évidemment aux possibilités de nourriture dans le monde que nous étudions. Il y a une surcharge démographique, un cloisonnement des groupes humains et la naissance du village et quelquefois même, on peut dire, d'une petite ville. L'agriculture donc a démarré entre le 6e et le 5e millénaire, lentement, très lentement. Et puis tout d'un coup, il y a eu un grand développement et en même temps, la naissance de la guerre. Et ça, c'était en 1975, Max Escalon de Fonton, Jean Guilaine. Et vous me dites hors antenne, je conteste. Oui, je conteste. Je conteste mon maître. Oui, c'est ça. Le Max. Alors pourquoi ? Parce que, avec Jean Zamine, nous avons écrit un livre, Le Sentier de la Guerre, il y a quelques années maintenant, où nous avons pu montrer, parce que, à l'époque où Escalon tenait ce 75, hein, là. Cette hypothèse, n'est-ce pas, le dossier n'avait pas été mince. Bon. Il a grossi petit à petit, on s'est rendu compte que, des traces de violence, il y en a dès les temps paléolithiques, et des traces de guerre. Alors, la guerre aujourd'hui, évidemment, c'est deux nations, deux États qui entrent en conflit. Mais à l'époque, lorsque deux communautés voisines se tapent dessus, on peut employer le terme de guerre. Et on a des traces de conflits. Par exemple, il y en a un qui est bien connu au Soudan, qui a été révélé par une équipe américaine des 12 000 ou 11 000 avant notre ère. Ouais. Donc, on s'est tapé dessus très tôt. Oui. Autrement dit, les chasseurs-cueilleurs se battaient. Ouais. Parce que la thèse d'Escalon, il n'est pas le seul à la défendre, c'est que la sédentarisation a provoqué les conflits. A provoqué des surplus, des richesses, et donc a créé la jalousie, l'envie, les razzias, etc. C'est bien comme thèse d'ailleurs, elle paraît. C'est très bien. Tout à fait acceptable. Et on peut l'accepter d'une certaine façon. Mais on ne se bat pas que pour des raisons purement matérialistes. On peut se battre pour des raisons idéologiques, on peut se battre pour se construire un statut social, montrer que nous sommes les plus forts par rapport à ceux d'à côté, pour des raisons écologiques, climatiques, etc. Il y a des tas de raisons de la guerre. Et les raisons matérielles ne sont pas les seules en cause. Ouais. Jean Guilaine, on va écouter tout à l'heure un document sur les premières pyramides d'Égypte avec nos confrères de France 5. Et c'est vrai qu'il y a des domaines de l'archéologie qui ont bonne presse, en tout cas qui plaisent beaucoup au grand public. C'est une discipline quand même qui touche, on sent les personnes. Pour quelle raison, à votre avis ? Ben, écoutez, les Français s'intéressent à l'histoire depuis toujours. Et nous, nous battons, en fait, je ne suis pas le seul, pour que l'archéologie, qui est une discipline historique en quelque sorte, occupe auprès du grand public une place absolument comparable. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Oui. Parce qu'effectivement, certaines découvertes retentissantes font que on imprègne le public. Parce qu'au fond, tout est là. Oui. On imprègne le public de l'intérêt de l'archéologie. Et puis l'archéologie, c'est aussi, surtout pour les périodes qui n'ont pas d'écriture, la seule façon d'écrire l'histoire. Ouais, effectivement. Alors ça veut dire qu'il y a des choses qu'on met plus facilement en avant que d'autres. Il y a aussi des sites assez mythiques hein, qui fascinent, on voit bien l'opinion, mais c'est pas toujours le cas. Quand on est archéologue, on tombe pas tous les jours sur une pyramide ou sur un Stonehenge, par exemple. Hein. Oui. Et je dirais même qu'il vaut mieux travailler sur des sites, ou plus globalement, sur des périodes méconnues, déficitaires. Parce que le problème, c'est de pouvoir combler notre ignorance en la matière. Oui, sauf qu'on peut aussi avoir envie de se faire un peu de publicité et de devenir célèbre par ces grandes découvertes, non ? Ah mais oui, ça, vous savez, c'est humain, disons. Ouais. Donc, il faut avoir le courage aussi d'aller sur des sites un peu plus austères. Il faut aller sur des terrains. Moi, je n'ai jamais fait de grandes découvertes. J'ai accumulé des petits riens, n'est-ce pas ? Et ce sont ces petits riens qui, à la longue, infléchissent en quelque sorte le regard que l'on peut porter sur une culture, sur une période, voyez, ben. Évidemment, si vous tombez sur un site exceptionnel, ben, tant mieux pour vous. Ouais. Mais vous n'étiez pas en quête de grandes découvertes ? Non, c'était pas mon but, moi, c'était pas mon but. Mon but, c'était d'être un géohistorien ruraliste, n'est-ce pas ? Partir à la recherche ou approfondir les origines du monde agricole, du monde paysan dont nous sommes issus finalement. Ouais. C'est ça qui m'intéressait. Moi, je n'ai jamais été fasciné par Indiana Jones ou des choses comme ça, pas du tout. Ouais. Vous, ce qui vous intéressait, c'était de labourer autour de vos origines aussi. Voilà, vous, c'est, hein. Ça, c'est ça. C'est tout ce à qui fait. A conduit votre tout parcours. À fait. Jean Guilaine est avec nous cet après-midi dans La Tête au Carré. Y'a pas de courage sans peur, j'serre les dents, j'serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, j'fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, j'serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, va piano, ouais, va piano. Va piano. Va piano, c'était Hervé. La tête au carré sur France Inter. Voilà, Jean Guilaine publie ses mémoires, celle d'un proto-historien, la traversée des âges chez Odile Jacob. Et vous êtes notre invité cet après-midi. Les messages des auditeurs, Christophe et Anne-Marie, d'ailleurs ensemble sur franceinter.fr, nous envoient ce message. Ils aimeraient savoir si vous vous souvenez de votre passage à Gallia et savoir ce que vous a apporté cette expérience. Christophe, qui nous écrit, était dessinateur maquettiste de Gallia. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Gallia et Gallia Préhistoire, ce sont les deux grandes revues d'archéologie du CNRS. L'une pour la préhistoire, l'autre pour la période antique essentiellement, et plus récente. Oui, en 1985, par là, le CNRS nous a demandé à Christian Goudineau et à moi-même de prendre en main les revues Gallia Préhistoire et Gallia. Et donc, nous avons été les directeurs de ces deux revues pendant presque une dizaine d'années. Mmh. Et puis, nous avons passé la même parce que, comme c'est la revue de la communauté scientifique, nous ne voulions pas nous incruster. Nous disions, bon, c'est à d'autres maintenant à prendre le relais et la mécanique doit tourner, en quelque sorte, vous voyez. Ouais. Donc, je conserve un beau souvenir de Gallia. Nous étions rue Calvin, au dernier étage, là où nous avions une vue sur Paris magnifique. Je garde le meilleur souvenir de ce passage à Gallia. Jean Guilaine, vous parlez justement de votre arrivée au CNRS, très jeune, hein, finalement, parce que vous postulez. Vous racontez d'ailleurs qu'à l'époque, on n'a pas besoin de thèse, c'est ça, pour rentrer au CNRS? À l'époque, on n'a pas besoin de thèse pour entrer au CNRS. On entrait au CNRS sur publication. Ouais. Donc, moi, j'avais un certain nombre de publications. Et alors, on m'a fait attendre quand même quelques temps, parce que j'étais enseignant dans le secondaire, j'étais sursitaire. Et puis, je suis entré en 1963 au CNRS. Ouais. Et j'y ai passé 31 ans de ma vie. C'est ça, exactement. La recherche publique, faire appel aux sciences de l'environnement, ça aussi, c'est un pan très, très important de votre travail. Très important, dans la mesure où, au fond, j'ai toujours conçu le néolithique comme un phénomène d'anthropisation. L'homme investit son milieu, l'exploite, le transforme pour subsister. Et donc, si nous n'avons pas les sciences de l'environnement, nous ne pouvons pas avancer. Alors, quelles sont-elles? Alors, il y a la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens, l'anthracologie, l'étude des charbons de bois, la crapologie, l'étude des semences, des graines préhistoriques, mais également l'étude des faunes, les faunes chassées, les faunes élevées, mais également des tas de petites choses, c'est-à-dire les rongeurs, les oiseaux, les mollusques, qui sont de bons marqueurs en général, parce que, par exemple, telle variété de rongeurs est une variété de paysage ouvert, telle autre est une variété de paysage forestier. Donc, pour appréhender l'ouverture par l'homme de l'environnement, de son paysage, en quelque sorte, ces petites bestioles sont très intéressantes. Donc, on met l'homme dans son milieu en récoltant des grains de pollen, des céréales ou des pieds rongeurs, et on dessine au fond l'environnement qui était le sien. Vous savez, dans une fouille archéologique, les prélèvements de terre en particulier, sont aussi importants, sinon plus, que les vestiges archéologiques eux-mêmes, souvent, si l'on veut travailler dans cette optique-là. Oui, parce qu'un objet lui-même, sans contexte, ça ne dit pas grand-chose, j'imagine. Ouais. Mais le contexte lui-même, c'est un contexte de paysan qui travaille en quelque sorte à exploiter son milieu. Donc, vous savez, il faut sortir de l'idée que l'archéologie, c'est soit un site d'habitat, soit sa nécropole. Tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle le hors-site, en réalité, est aussi objet d'étude et très important. Jean Guilaine, la grotte de Montbolo, dans les Pyrénées-Orientales. Ah. Alors ça, c'est un choc apparemment, en tout cas pour vous, visuel en particulier. Mais qu'est-ce qu'on y trouve alors de si remarquable? Alors, cette grotte de Montbolo, en fait, m'avait été signalée par un ami, Jean Abellanet, qui vient de décéder. Et tu sais, à tel endroit, on a découvert une grotte, on n'a rien laissé, on a tout touché, on n'a rien touché, on a tout laissé en place, etc. Il faut aller voir. On arrive et on a vu là les poteries abandonnées. On a vu également des sépultures un peu plus récentes qui étaient disposées telles que les préhistoriques les avaient installées, les crânes posés, là, etc. Ça fait... Ça remue un petit peu quand on voit ça, qui n'a pas bougé, en quelque sorte, depuis le temps. Donc on vous imagine entrant justement dans cette grotte. Oui, on trame, mais vous savez, il fallait ramper, c'était très compliqué. C'était un travail de spéléologue aussi. Et vous trouvez finalement cette photographie du passé avec ce décor qui doit être extrêmement, extrêmement touchant. Ouais. On va écouter la voix justement de Jean Abellanet, mort la semaine dernière, effectivement, sur le néolithique en lien avec ce site de Montbolo. Le néolithique est une véritable révolution dans la vie humaine. l'homme va vivre d'une façon tout à fait différente de ce qu'il avait vécu depuis les origines. Au lieu de vivre de la chasse, de la cueillette sauvage, il va élever les animaux et se mettre à cultiver le sol. On a par exemple ici une meule pour écraser le grain. Cette meule, par un mouvement de va-et-vient, réduisait les grains en farine pour faire du pain certainement ou des galettes. Ce néolithique commence à peu près dans nos régions vers 5500 peut-être avant Jésus-Christ. Apparaît la poterie. La période la plus ancienne de poterie dans notre région, c'est ce qu'on appelle la poterie cardiale, parce qu'elle était décorée avec une impression sur la pâte fraîche de bords de coquilles de cardium. C'est un coquillage très commun sur les bords de la Méditerranée. C'est les plus anciennes poteries du midi de la France. Et puis ensuite, on voit apparaître aussi un instrument assez typique, la hache polie, qui devait servir à fendre le bois, à faire des travaux agricoles. Jean Abellanet et son bel accent, lui aussi d'ailleurs, Jean Guilaine. Hein. Oui, l'accent de Perpignan. Ouais, vous, c'est Carcassonne. Moi, c'est Carcassonne. Voilà. Cet accent, vous en parlez d'ailleurs. Il a été problématique pour vous un moment ou pas? Non, il n'a pas été problématique. J'ai bien aimé le mot d'André Miquel, administrateur du Collège de France, lorsqu'il m'a introduit le jour de ma leçon inaugurale en disant « Ce n'est pas qu'un archéologue qui entre au Collège de France, c'est aussi un accent ». C'est magnifique comme phrase, non? C'est très beau. Oui, il faut surtout pas le perdre, en tous les cas. Tête de félin sculptée du site néolithique précéramique de Chypre, c'est ça, dans un site de Chypre. Oui. Ça, c'est une des photos, justement, dans le livre. Pourquoi vous avez eu envie de parler de cette tête de félin, alors? D'une part, cette tête, nous l'avons trouvée d'une manière tout à fait fortuite, parce qu'on était en train de fouiller un puits néolithique, donc, et les puits, lorsqu'ils ne servaient plus, ils étaient systématiquement bouchés, comblés avec les rebuts du quotidien, en quelque sorte. Et puis, dans ces blocs que l'on sortait difficilement, tout d'un coup, on a vu cette tête surgir. Donc, ça a été aussi cause d'un petit émoi tout à fait favorable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le même site, mais cette tête, elle remonte vers 8200 avant notre ère. Il y a la photo dans le livre, justement. Voilà, voilà. Mais sur ce même site, mais un millénaire après, vers 7002, nous avons mis au jour une sépulture de chat, d'un personnage avec son chat, qui est actuellement certainement l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille trace d'un chat qui est probablement domestique, à tout le moins apprivoisé. Ouais. C'est-à-dire qu'on accompagnait le mort dans l'au-delà avec ses objets. Avec son équipement, mais avec là. Avec les proches. Voilà, voilà, voilà. Et c'est très intéressant parce que ça prouve là que la domestication est une forme de pouvoir de l'homme sur la nature vivante, dans ce cas sur un animal. Ouais. Oui. Et ça, ça montre qu'au fond, la domestication n'est pas quelque chose. Au fond, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir exercé sur l'animal. Et là, dans le cas particulier de la sépulture, le chat, probablement, était trucidé, n'est-ce pas, pour accompagner le maître dans sa future vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce néolithique, de cette proto-histoire, aujourd'hui, à la lumière de notre rapport aussi avec l'environnement, Jean Guilaine? Ben je crois que le néolithique est aux origines de tous nos problèmes, finalement. Autrement dit, poussée démographique, développement des inégalités, problème climatique qui intervient évidemment sur le milieu, sur l'écologie, et qui nous pousse à nous transformer, etc. Donc en gros, si vous voulez, tout ce qui nous tombe dessus à son origine dans le néolithique. Et on peut en savoir plus en vous lisant « Mémoire d'un proto-historien », c'est la traversée des âges. Jean Guilaine, c'est passionnant, comme vous, et vous êtes aujourd'hui notre invité. On peut retrouver les coordonnées et toutes les références de ce livre sur le site de l'émission. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Merci à vous. La science grand format, en partenariat avec France 5. Bonjour Perrine Poubeau. Bonjour Mathieu. On part ce soir à 20h50 dans l'Égypte ancienne, dans la case Science Grand Format, avec un documentaire de 90 minutes intitulé « À l'aube des pyramides ». Quand on pense à l'Égypte, Mathieu, on pense à la pyramide de Khéops, qui représente une sorte de perfection. Mais Khéops a été précédé par d'autres pyramides. Et dans le film de ce soir, on remonte aux sources de l'architecture de l'Égypte ancienne et on s'intéresse à un personnage passionnant, le pharaon Snéfrou. C'était un bâtisseur très innovant. qui a vécu il y a 4500 ans, et son ambition était de construire le plus beau des mausolées, aux faces complètement lisses, pour rompre avec les pyramides à degrés. Mais le problème, c'est qu'il n'y est pas arrivé du premier coup. Alors, on connaît peu ce pharaon Snéfrou, mais on lui doit la pyramide de Dachour. Ouais, après l'échec d'une première pyramide, il se lance dans la construction de la pyramide de Dachour. Mais le résultat, c'est cette drôle de pyramide à deux pentes différentes, qu'on appelle rhomboïdale, et qui menace de s'écrouler. Donc il s'engage dans la construction d'un troisième tombeau. Et pour la première fois, Snéfrou réussit à bâtir une pyramide triangulaire aux faces parfaitement rectilignes. On écoute nous en parler l'égyptologue Franck Monnier. Après les modifications et les changements de projet qui ont eu cours dans la pyramide rhomboïdale, les Égyptiens sont parvenus à définir une nouvelle pyramide, la pyramide parfaite. Et la première de ces pyramides parfaites, c'est la pyramide rouge que l'on voit en arrière-plan. Le troisième tombeau géant de Snéfrou est la première véritable pyramide de l'histoire. Ses faces triangulaires ne présentent aucun défaut. Cette fois, tout s'est passé comme prévu. La pyramide rouge est telle que Snéfrou l'avait imaginée. Elle va devenir le modèle à suivre. Voilà, Snéfrou en fera son tombeau et cette pyramide rouge, on va le découvrir ce soir et c'est passionnant, va inspirer des générations de bâtisseurs justement. Et notamment Khéops, qui n'est autre que le fils du pharaon Snéfrou et qui a réussi à construire la plus haute et sans doute la plus pure des pyramides d'Égypte. Ça s'appelle à l'aube des pyramides, c'est donc ce soir 20h50 sur France 5 dans Science Grand Format. Merci Perrine, à bientôt. Merci Mathieu. Voilà, ainsi s'achève notre Tête au Carré. Merci à Johanna Gabric qui était aujourd'hui à la technique. Demain vendredi, c'est le club. Et parmi nos invités demain, et je suis très heureux de le recevoir, l'arrière-petit-fils de Jules Verne.